non, mais non, en fait. Et tu speak? Si? Le truc là. Pardon, merde. Oh là, je suis fatigué. Bon. 24 oh, je sais plus, moi je suis fatigué. Merde, j'arrive pas à voter ce soir. Ah non, c'est BPI. Je sais plus comment ça s'appelle ce morceau. Parole. Moi, je veux juste le refrain. Hein. Juste le refrain. Si je trouve, alors. Putain, c'est pas vrai. Là, c'était cliqué sur le mauvais truc. Patience, patience. Looking for lyric. Allez, voilà, tiens. Copier. En fait. Ah ouais, le bloc-notes aussi, j'ai pas compris sur comment ça marche. Pense d'être. Coller. Eh ben bien, il m'a collé n'importe quoi.